C'est maintenant le troisième match et le quatrième match de la série qui entre les Saguenay de Chicoutimi et les Tigres de Victoriaville. La série transporte dans les bois francs. Les Saguenay ont pris le devant 2-0 dans des matchs quand même assez serrés. Pour en parler, on a réuni nos deux commentateurs qui sont les deux descripteurs des matchs que j'ai eu la chance de les écouter toutes les deux, Sébastien Morin et Pascal Lévesque. Salut messieurs. Bonjour. Salut Danny. On va commencer d'abord avec Sébastien. Sébastien, parle-moi de cette série-là. On l'avait prédit au début de la série que c'était une série très, très serrée. Dans le premier match, par contre, les Tigres, les Saguenay ont pris le devant assez rapidement. Les Tigres sont revenus en fin de match. Mais dans le deuxième match, ça a été pas mal l'allure de la série que tu avais dit, là. Que vous aviez dit, là. Oui. Exactement. Ça a été une série très serrée. Très content du spectacle offert par les Tigres et les Sags là, dans cette série-là. Ça brasse, c'est physique, c'est du beau hockey. Je pense du hockey de série, du hockey serré. Je n'entendais pas moins de l'adversaire, les Tigres de Victoriaville. Et Pascal, j'écoutais Sébastien parce que sur la web diffusion vendredi et samedi de la Légion Mardi du Québec, c'était Sébastien qui était là. Moi, toi, je t'ai écouté vendredi. Sébastien critiquait l'arbitrage, il disait qu'en troisième période surtout. Es-tu d'accord avec Sébastien là-dessus? On sera jamais d'accord sur l'arbitrage, moi, c'est certain. Nicolas Dutille, tu sais, personnellement, il y a beau des gars que je connais personnellement là-dedans, en passant dans les officiels, là. Nicolas Dutille, pour moi, c'est un des meilleurs officiels. On fait un sondage auprès des entraîneurs, là. Je pense qu'il est pas mal dans le top 3 là, des officiels dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est sûr que... Comment? Excuse-moi, ça, okay. C'est sûr que quand ça va pas bien, tu penses que l'équipe, ton équipe va gagner cette série-là haut la main, ben, puis que ça va moins bien, ben souvent on blâme les officiels. Et moi, j'ai rien à dire. Là. Oui, on a une critique ici et là dans un match. Des fois, on voit des affaires, mais on faut pas se cacher. On est partisans un peu, puis ça, ben c'est bien normal. Moi, de la façon que je vois ça, cette série-là jusqu'à maintenant, je vais t'avouer, il y a deux facteurs vraiment très, très, très important et deux facteurs qui vont changer à partir de ce soir. Premier facteur, c'est le dernier changement. Mmh. On a vu dans les deux rencontres, vraiment, Yannick Jean toujours attendre le changement de Louis Robitaille, envoyer ses trios, donc ce qu'on appelle du matcher ses trios avec l'équipe adverse. Ça, il ne pourra plus faire ça ce soir. Et l'autre facteur qui est non négligeable, puis ça, moi, j'apprends à le découvrir parce qu'en saison régulière, ça compte, mais pas autant qu'en série, mais c'est la grandeur de la patinoire. Ah, ça a un avantage marqué. Je regardais dans les statistiques, tu sais, je reculais même un peu plus loin, là, lors de la grosse saison des Saguenay de Chicoutimi, là, qui s'était rendu en demi-finale. Je regardais le parcours des Sea Dogs de Saint-Jean qui avait été parfait durant toutes les séries, sauf un match qu'ils ont perdu, et c'était à Chicoutimi. Et l'autre match qu'ils avaient joué à Chicoutimi, ça a été une victoire difficilement acquise en prolongation. Fait que, tu sais, on voit que ça a un impact majeur, puis ce soir, ça va changer. Les deux facteurs qui sont les plus importants dans cette série-là, selon moi, jusqu'à maintenant, le dernier changement et la grandeur de la patinoire va tourner à l'avantage des Tigres de Victoriaville. Sébastien, je te laisse la chance de t'exprimer, parce que je t'ai écouté surtout en troisième période. T'étais pas tendre envers les arbitres, hein? Une pénalité non appelée, une mise en échec par derrière à l'endroit de Julien Carignan alors qu'il n'a pas la rondelle en zone bulk. Je comprends qu'il reste à peu près 11 minutes en troisième période, mais c'est pas une raison pour arrêter de travailler. Je continue à t'écrire avec toute la passion que tu me connais, puis c'est pas non courant dans mon cas de critiquer les officiels pendant mes reportages. Je suis peut-être allé un peu fort samedi, mais je pense que ça valait la peine. Là. Je trouve que c'était un geste qui n'a pas été appelé, alors qu'on a appelé plein d'autres gestes pendant le match. Tu sais, 5-2 davantage numérique à la faveur des Tigres de Victoriaville. C'est un certain déséquilibre. Puis, dans les derniers matchs de la saison, je ne veux pas faire une victimisation des Sags, mais on a quand même été un peu victime de ça là, dans les derniers matchs de la saison. Pascal va peut-être dire que c'est de l'indiscipline des Sags. Moi, j'ai une autre opinion. Mais Pascal, il y a une affaire, par exemple. Ça, je dois le donner à Sébastien. Et c'est pas propre à Légion Majeure du Québec. C'est propre partout dans le hockey. Là. L'arbitrage au hockey, là... c'est le seul sport ce qui concerne que les règlements changent quand tout dépendant du chronomètre. Ça arrive souvent. Oui, mais c'est un sport qui est extrêmement rapide. Puis, je vais t'avouer, j'ai été arbitre il y a plusieurs années. Puis, l'an passé, j'ai dit, tiens, mon gars voulait commencer à arbitrer. J'ai dit, ouais, on va faire une affaire. Je vais le mettre le chandail rayé, moi aussi. J'ai arbitré pendant une saison. Ah. Et je vais t'avouer qu'on est facile sur la gâchette. On est vite sur la gâchette. On est facile sur la critique parce que on regarde souvent seulement une équipe. Tu sais, on regarde seulement les infractions qui sont faites contre une équipe. Moi, quand je vais voir mon gars, je vais observer mon gars, je me sens dans les estrades, puis je me sens entre les souvent dans le milieu entre les deux parents, là, puis là, je me tiens point serré, puis je m'accroche comme pouce sur mon bain, parce que des fois, j'ai envie de lever, d'entendre les parents, ce qu'ils peuvent dire des bêtises sur un jeune qui a 15 ans. Mais moi, en étant en eux, je regarde le match et j'entends les critiques de part et d'autre, puis je me dis, non, il est correct, il a pris la bonne décision. Je suis persuadé là, que dans 90% du temps, là, les critiques qu'on fait envers les officiels, là, ben peut-être qu'on se trompe. Ah ouais, c'est clair. On parle pas. D'accord avec toi, Pascal. Là-dessus, par contre, des fois, on a une très mauvaise opinion. On est plutôt partisans de la façon dont on travaille. Puis, des fois, on a tendance peut-être à l'échapper. Puis ça, ben, ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Il y a des fois, par contre, on a vraiment raison. Puis ça, on n'a jamais de conversation avec aucun, que ce soit un préfet de discipline ou un directeur des arbitres. Puis je pense que ça, à un moment donné, je pense que le hockey aurait avantage à libéraliser le travail des officiels, à les rendre disponibles pour des entrevues, pour expliquer certaines décisions après les matchs, qui pourra peut-être faciliter le travail de tout le monde. Là. Ben, c'est un bon commentaire. Sébastien, pour les SAG, c'est d'aller chercher une victoire à Victoriaville et finir ça vendredi? Ah ben écoute, je pense que l'objectif c'est de faire ça le plus rapidement possible. Si c'est en 4, ça va être tant mieux. L'organisation ne faut pas faire exprès pour perdre un match, pour avoir un match payant vendredi soir à la cabane bien pleine. Si on est capable de finir ça en 4, on va le faire. Mais ça a été des matchs serrés, c'est des fois un pile ou face, là, c'est très, très, très serré entre les Tigres et les Sacs dans cette série-là. Ça sera pas du hockey facile. Oui, la grande glace versus la petite glace. La pression, le retour de Yannick Jean à Victoriaville, tout ça. En séries éliminatoires, ça va être un peu de distraction, mais quand même, je m'attends à des bons matchs serrés encore une fois dans cette série. Pour les Tigres, sens-tu l'urgence, Pascal? Ben c'est certain, il y a toujours une urgence, peu importe, même au premier match en série d'après-saison. Et moi, je l'ai dit, puis c'est pas à cause que les Tigres tirent dans l'arrière 2-0, ils ont déjà eu les devants 2-0 dans une série. J'ai toujours dit, moi, une série commence au troisième match. Tu sais, les Tigres ont droit aussi de jouer leur match à domicile, et c'est ce soir, on se retrouve une série 2-1 ou 3-0. C'est complètement différent. Moi, c'est ce soir que ça se décide. C'est un gros, gros match. Puis probablement que si les Tigres gagnent, je vais dire ben c'est demain que ça va se décider. Ça va être 2-2 ou 3-1. Là. Mais reste que c'est un match pivot dans une série. C'est un match extrêmement important. Mais moi, ce dont je suis le plus content lorsque je regarde la performance des Tigres, c'est d'avoir gardé justement des matchs extrêmement serrés à Chicoutimi. Ça prouve que cette équipe-là est dans le coup et qu'avec de minimes petits avantages, comme je parlais un peu plus tôt, dernier changement, grandeur de patinoire, ça pourrait drôlement avantager les Tigres de Victoriaville. On pourrait avoir un dessin là, complètement différent de cette série-là après le match de ce soir. Jamel Woodson, vas-tu revenir, Pascal, Sébastien? C'est une nouvelle... c'est une bonne question. Il faudrait demander au personnel médical des Saguenayens. Je suis loin d'être un médecin. Ouais. Il va faire le voyage à Victoriaville. Je pense que ça a déjà été clair qu'il ne sera pas utilisé dans les deux matchs. Mais ça sent le retour au jeu quand on amène un joueur qui est sur la liste des blessés dans les voyages sur la route, même en série éliminatoires. OK. Messieurs, je vais y aller avec... Il devrait être de retour. Ben, mais à 2-0, par contre... Selon mes contacts, là, il devrait être de retour. Mais Pascal, à 2-0, c'est pas l'urgence comme si ce serait 2-0 pour les Tigres. Tu peux prendre plus ton temps. Peu, mais je vous dis, les gars, il va être de retour ce soir. OK. Pascal le dit. Pascal et Sébastien, j'ai demandé, parce que nous, on est dans le haut du lac Saint-Jean, donc évidemment, il y a deux séries qu'on suit également, qu'on jette un coup d'œil. C'est la série entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Moussets d'Halifax. Pourquoi? Parce que Gilles Bouchard vient de Normandie. Et les Huskies se sont fait surprendre dans le premier match, Sébastien. Oui, exactement. Puis, écoute, les Moussets d'Halifax, là, Nico Hichière, Maxime Fortier, à l'attaque avec le jeune fils de Benoît Groulx, gardien de Gravel. Ouais. C'est une équipe qui est intéressante à voir évoluer. Qui va grandir dans les prochaines années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis, écoute, très hâte de voir la suite de cette série-là. Ça s'est terminé très serré. Une décision, on va dire controversée. Excusez-moi, j'ai de l'interférence. Là. Je ne sais pas si vous entendez. Oui, il n'y a pas de problème. On t'entend très bien. OK. Mais non, c'est parce que j'entends l'interférence. Là. OK. Bon, Pascal, on va y aller avec Pascal maintenant. L'autre série qu'on suit, c'est Shawinigan contre Val d'Or, évidemment, parce que la présence de Samuel Girard. Je posais la question à Sébastien avant de rentrer en onde, puis t'étais pas encore là, Pascal. Si jamais, parce que ça a mal fini pour les Cataractes de Shawinigan, la saison, la fin de saison était un goût amer. Si jamais les Cataractes se faisaient sortir, est-ce que Claude Bouchard, son poste pourrait être en danger? Ah, puis même son poste était déjà en danger, je vais t'avouer, là, avant la fin de la saison, là, et il s'est posé des questions du côté de Shawinigan. Martin Mondou l'a déjà fait, là, de congédier un coach en fin d'année, l'année précédente, justement. On arrive avec un gars comme Claude Bouchard qui est considéré, selon moi, un motivateur. Un motivateur, ça peut faire son œuvre à court terme, mais sur le long terme, des fois, c'est plus difficile. Et moi, ce qui m'inquiète du côté des Cataractes de Shawinigan, c'est qu'on a utilisé beaucoup les bons éléments au cours de la saison. Je parle entre autres du gardien de but, Denisov, qui a gardé presque tous les matchs en saison régulière. Dans le cas des Foreurs de Val-d'Or, avantage marqué pour le gardien de but, Étienne Montpetit, qui, lui, a raté plusieurs matchs au cours de la saison, pas joué une saison complète. Il y avait un dénommé Baribeau qui était là avant qu'il soit échangé au Rempart de Québec. Donc, Étienne Montpetit peut voler un match. Il l'a pas fait encore. Ça, c'est le danger. Cependant, si on regarde la profondeur des deux équipes, faut donner avantage aux Cataractes de Shawinigan, même si ça pourrait être une série longue, une série difficile. Je pense que les Cataractes vont finir par s'en sortir quand même avec le talent et leur profondeur, ce que les Foreurs ont pas. Avoir gardé un gars comme Galipo, un attaquant, avoir fait l'acquisition d'un attaquant supplémentaire de premier rang du côté des Foreurs de Val-d'Or, je pense qu'on pourrait gagner cette série-là, mais là, il va peut-être manquer un peu de ressources. OK. Donc, messieurs, on vous écoute ce soir, respectivement, 94.5 pour Énergie, pour Sébastien. Kick Radio X, pas Kick Radio X, j'ai tellement... Kick 95.7, non, parce qu'il y a un Kick Radio X ici dans la région. Kick 95.7 à Victoriaville et également sur la web diffusion de la Ligue de...